Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Nos Cultures, vous écoutez été.mp3 et aujourd'hui on va repartir en Gascogne pour écouter Artus et leur chanson à la Borda sortie en 2010 sur leur album Drac, qui veut dire il me semble Dragon. Artus sur Radio Nos Cultures. Yeah. Artus avec à la board une chanson de leur, je sais plus, 4e, 5e album sorti en 2010, en tout cas celui qui s'appelle Drac, il me semble que ça veut dire dragon. Voilà, Artus qui s'appelait à l'époque Family Artus, qui avait commencé comme un groupe un peu trad, tout ça, mais dans la modernité, et qui a assez vite bifurqué vers des trucs un peu plus comme ça, très expérimentaux, avec de l'électro, etc. C'est quand même un des gros groupes de la culture gasconne, Artus. Peut-être que vous connaissez plus Familia Artus. Moi, en tout cas, je les connaissais comme ça à l'époque. Je n'avais pas fait le rapport entre les deux. Je trouvais quand même bizarre qu'il y ait un groupe qui s'appelle Artus et un autre Familia Artus. Bref. Donc, comme vous l'attendez, un groupe qui va vraiment dans l'exploration, dans l'expérimentation, tout en gardant quand même ses racines gasconnes avec des instruments trad. Toujours, on entendait là une vielle à roue, des flûtes, etc. Si vous voulez en savoir plus et découvrir Artus un peu plus profondément, vous pouvez aller écouter le chronobio qu'on a fait dessus. On a fait beaucoup de chronobio, 34 cette année. On a fait beaucoup de chronobio et donc on a fait un sur Artus. Et voilà, on passe en revue les chansons au fil du temps, comme on fait toujours en chronobio. En tout cas, voilà. Bon, là, j'avoue que c'était peut-être un peu trop pour certains, mais peut-être que les premiers albums vont un peu plus vous plaire. Ils sont un peu moins expérimentaux, un peu plus trad, bien quand même toujours ce côté moderne, cette volonté de ne pas faire simplement du trad, mais d'aller toujours un peu plus loin, d'aller explorer quand même. Jusqu'au début, ils allaient pas avec des grosses machines et avec des grosses rangers dans la gueule. À noter aussi que vous pouvez aller voir le clip de À la board qui est assez impressionnant, vraiment, qui mélange, en tout cas sur la deuxième partie, espèce de mélange de stop motion, donc on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'animation image par image, où on prend une photo, on fait quelque chose, on prend une autre photo, et ils font ça, et en plus ils le mettent à l'envers après, donc on voit une bouteille se vider mais étape par étape, etc. Et puis voilà, beaucoup d'expérimentation aussi dans le clip, c'est à la limite du dérangeant parfois, mais bon, c'est complètement volontaire, vous n'êtes pas obligé de l'aimer, et puis si vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de regarder, ça reste de la musique avant tout, Artus. Et voilà, c'était donc en 2010. Depuis, Artus c'est aussi séparé, mais vous pouvez retrouver pas mal des projets des membres sur Pagans, P-A-G-A-N-S, ils ont un site internet, il me semble, et voilà, vous allez retrouver des noms, Romain Baudouin, etc., qui vont vous revenir, et vous pourrez aller explorer un peu les différents projets de ces gens-là, qui, comme vous le voyez, peuvent aller assez loin. Allez, moi je vous laisse là, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chanson. Est-ce que vous connaissez Iz? Oui, je pense que vous connaissez Iz. Bienvenue dans été.mp3. Aujourd'hui encore, on va écouter une chanson. Et quand je vous dis Somewhere Over the Rainbow, eh ben, vous répondez forcément Iz. C'est une chanson qui est extrêmement connue, sortie en 90. On l'écoute et puis après, on va en parler tranquillement. Iz avec Somewhere Over the Rainbow. High above the chimney top, that's where you Avec Somewhere Over the Rainbow, The Rainbow, qui est donc une reprise d'une célèbre chanson qui a été interprétée par Judy Garland, évidemment, dans Le Magician d'Oz en 1939. Donc l'auteur, c'est Edgar Hipsel Harbour, et les compositeurs sont Harold Arlen et Herbert Stothart, qui ont composé donc cette chanson en une nuit, là, je ne sais pas si c'est la veille, mais en une seule nuit pour que Judy Garland puisse interpréter dans Le Magician d'Oz, et qui raconte comment une jeune adolescente, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs le personnage dans le film rêve d'un monde où tout va mieux derrière donc cet arc-en-ciel. Voilà, c'était repris pas mal de fois jusqu'à être pris, alors selon les sources, c'est 90 ou 93, par donc Israel Kamakawi Ole, de son vrai nom, surnommé Iz, sur son album Kaanoi. Et donc voilà, quelque chose de très très simple. Alors c'est normalement, c'est une il y a Over the Rainbow qui est ensuite mixé avec une autre chanson dont j'ai oublié le nom, mais bon, vous retrouverez certainement la chanson. En tout cas, c'était un mix des deux. Là, on a écouté que la première partie. J'avoue que la deuxième partie me plaît un peu moins. C'est What a Wonderful World, évidemment. Deuxième partie. Voilà, moi, elle me plaît moins, la deuxième partie de cette chanson. Je préfère juste cette partie-là, Somewhere Over the Rainbow. Voilà, qui du coup est interprétée très simplement, ukulélé et une voix grave pour le coup qui casse avec l'interprétation de Judy Garland, qui est une adolescente, je le rappelle, et donc qui interprète à sa façon, évidemment, comme une ado, quoi, un peu dans les aigus. Lui, il est plus posé, plus calme, etc. Et puis, ça contrebalance avec l'ukulélé qui du coup est très aigu. Quoi rajouter? Oui, que là vous entendiez peut-être aussi des cris de joie, etc. C'était pendant l'enterrement, l'emmerrement pour le coup du chanteur d'Israël Kamakawi Ole. Voilà, parce que ben, là-bas, au lieu de faire un deuil et un hommage, et puis on préfère fêter ce qu'il a été, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, je ne suis absolument pas sûr de ce que je suis en train de dire. Mais voilà, ce sont plutôt des adieux festifs que des adieux triste, voilà. Et du coup, les images sont vraiment très très belles à voir, dans une mer absolument magnifique, évidemment. Voilà, je vous invite à aller voir ça. Vous tapez Is, simplement Is Somewhere Over the Rainbow. YouTube va vous donner de toute façon la fin. Et allez voir cette vidéo. Ça fait un petit quelque chose au cœur, hein, en vrai, de voir tout ça, toute cette agitation, tout ça. C'était la chanson du jour de Is, donc reprise de Judy Garland. Pour faire simple, Somewhere Over the Rainbow, c'est sorti en, je sais plus, 90 ou 93 selon les sources. Apparemment, même sur ça, on n'est pas d'accord. Et voilà, c'était Is, et on arrive doucement vers la fin de cette petite émission, de ce petit format. Allez, on va continuer quand même un petit peu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans été.mp3. Comme d'habitude, on va écouter une nouvelle chanson que peut-être vous ne connaissez pas, celle-là n'est pas très connue. C'est Alanis Morissette, que elle vous connaissez, qui chante en 99 Uninvited en live à Woodstock. Et on en parle comme d'habitude après. Yeah. Uninvited par Alanis Morissette. C'était une version live, donc je vous le disais, à Woodstock en 99. On va en parler vite fait de ce festival qui était le festival du n'importe quoi, surtout le festival de la honte. Il y a un documentaire Netflix qui est consacré à ce festival. Vous pouvez aller le voir. Les faits sont vrais. Après, c'est Netflix, ils font ça à l'américaine. Ils ont toujours besoin d'en rajouter, alors que il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter. C'était n'importe quoi. Ça a fini avec des bagnoles en feu, quoi, le festival, rien que ça. Et qui n'a rien à voir, donc Alanis Morissette qui chantait là. Donc, Woodstock 99, sa chanson Uninvited, que je trouve absolument exceptionnelle. À apprécier quand même que c'est Alanis Morissette qui compose elle-même ses chansons. Chose assez rare pour les stars de cette époque-là. Il n'y a jamais une Britney Spears ou un Justin Timberlake qu'on ne composait ses propres trucs. C'est pour ça aussi, je pense que c'est pas un truc à mettre devant toutes les oreilles, quoi. C'est pas un truc complètement pop, tout plein de couleurs et de bonbons. C'est quelque chose de très hypnotisant. Ce petit arpège là à quatre notes qui m'hypnotise complètement. Et puis la performance de Alanis Morissette qui a une voix absolument fabuleuse et qui est complètement, on dirait qu'elle est complètement shootée pendant qu'elle chante. Et en même temps, je comprends, alors peut-être qu'elle était, mais je suis pas sûr qu'elle ait besoin de ça vu la chanson. Je pense que la chanson en elle-même peut nous mettre dans des états comme ça. Et c'est vrai qu'il y a ce truc très hypnotisant, très envoûtant dans cette mélodie. Et puis il y a une puissance qui arrive au fur et à mesure de la chanson et vraiment même avec toutes les guitares, tout le clavier à fond et tout, Alanis Morissette continue à chanter par-dessus tout ça avec une voix vraiment puissante. C'est vraiment extrêmement extrêmement cool à voir, et du coup vous pouvez le voir parce que c'est une vidéo du coup qui est sur YouTube. Évidemment les concerts étaient filmés, et donc je vous conseille d'aller voir cette chanson là Uninvited, donc désinvité, je pense qu'on peut peut-être le traduire comme ça, à Woodstock 99 par Alanis Morissette. Et voilà, et on va partir sur une autre chanson nous, mais ça sera pour un autre jour. Bonjour tout le monde, vous connaissez les Beatles ? Oui, évidemment que vous connaissez les Beatles, mais on ne va pas écouter les Beatles aujourd'hui. Non, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette intro, mais on va d'abord écouter une chanson. Une chanson de Mary Hopkins sortie en 68. Et cette chanson, vous la connaissez, peut-être pas sous ce titre-là, peut-être pas avec ces paroles-là, peut-être pas dans cette langue-là. Ça s'appelle « Those Were the Days » et je vous laisse découvrir tout ça. Mary Hopkins en 68 avec Those Were The Days, une chanson qui a été la première signée par les Beatles à part eux-mêmes sur leur label Apple, pas le même Apple que les Mac, c'était le label que les Beatles avaient créé et donc c'est la première artiste qu'ils ont signée là, produite en personne par Paul McCartney, donc le bassiste des Beatles. Et voilà, c'est l'adaptation d'une romance russe, tzigane exactement, qui a été pas traduite mais adaptée en anglais, puis la mélodie a été réadaptée, etc., etc. Du coup, ça c'est une des versions de cette chanson. Il me semble que c'est Dalida qui l'a chantée en français, c'était Le Temps des Fleurs. Voilà, et j'aime beaucoup cette chanson, déjà la mélodie que je trouve absolument fantastique, et surtout cette ambiance vraiment été par les paroles de nostalgie d'une belle jeunesse, quelqu'un qui a vécu une belle jeunesse dans laquelle ben jeune il refaisait le monde, il pensait qu'ils allaient pouvoir créer une utopie, etc., et comment au fur et à mesure des années tout ça s'est un petit peu estompé. Voilà, ça fait plaisir à écouter dans un monde où on a tendance à un peu taper tout le temps sur les jeunes, et ce depuis des milliers d'années, parce que oui, déjà à l'époque Aristote tapait déjà sur les jeunes qui étaient irrespectueux. Voilà, ça fait plaisir à entendre ces paroles un peu nostalgiques. Je trouve ça bien écrit, je trouve ça hyper tendre aussi avec notre propre jeunesse oubliée ou disparue, et puis bon, après de temps en temps peut-être qu'on peut la faire revenir aussi, ça serait cool. Donc voilà, Those Were The Days. Ensuite elle a chanté ça dans plusieurs langues, donc en français, elle a fait une reprise en français aussi, il me semble qu'il y a eu de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand même peut-être. Voilà, donc là pour toute première chanson signé par les Beatles sur leur propre label, c'était en 68 avec Mary Hopkins, et voilà, n'hésitez pas à l'écouter en boucle, j'adore cette chanson, je la trouve absolument fantastique, et vraiment là ce côté très apaisant de nostalgique mais sans forcément beaucoup de regrets, un peu de sans remords non plus, mais quelque chose qui est passé, qui était bien, qu'on aimerait bien revivre 30 ans, mais bon, C'était bien, et ça, c'était bien que ça soit arrivé. C'était Mary Hopkins en 68 avec Those Were the Days. Bonjour tout le monde, et voici, c'est bon, on est à la dernière émission de ce format. Ça fait voilà, 2 mois à peu près, un peu plus même, qu'on s'y colle tous les jours du lundi au vendredi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les chansons dont on a parlé sur notre site radionoculture.wordpress.com. N'hésitez pas à nous écrire aussi pour faire part de vos commentaires sur radionoculture@gmail.com, et vous pouvez aussi laisser les commentaires directement sur le site, parce que voilà, la technologie, on est dans le futur. Aujourd'hui, pour la dernière, j'ai choisi de vous faire écouter une chanson de Animals, le groupe Animals sorti en 64, que vous connaissez sans doute déjà tous, mais je me suis dit pour la dernière, allez, on va se faire un petit plaisir que tout le monde connaît déjà, et comme ça on va pouvoir tous chanter ensemble sur les ondes, chacun chez soi. House of the Rising Sun des Animals. I know I'm one. House of the Rising Sun de The Animals, sorti sur leur tout premier album en 1964, qui s'appelait aussi The Animals, l'album. Voilà une chanson, une vieille chanson traditionnelle américaine, qui pourrait être venue d'Angleterre d'ailleurs. Voilà. La page Wikipédia est assez longue. Il y a eu des enquêtes, etc., pour savoir d'où ça vient. Bon, on ne sait pas trop. A priori, c'est quand même une très très vieille chanson, reprise, réinterprétée, avec des paroles changées, etc. Et donc, c'est Animals qui va en faire la version la plus connue, en tout cas, à ce jour, en 1964. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à rajouter. C'était juste pour se faire plaisir pour la dernière de ce format. Et voilà, allez voir quand même le clip. Le clip est marrant. Ils sont peut-être en train d'envoyer une des chansons les plus incroyables de l'année. Ça part dans tous les sens, le clavier pète les plombs, et pourtant je sais pas pourquoi, j'imagine que c'est le réalisateur ou comme ça qui leur a dit de rester absolument stoïque pendant toute la chanson, qui est en long plan séquence. Donc à droite à gauche, il y a des petites erreurs, le guitariste qui se marre vraiment à la fin de la chanson, je suis pas sûr qu'il était censé faire ça. Mais en même temps, ça prend du temps de faire des plans séquences comme ça de 5 minutes. Donc, ils n'ont pas dû pouvoir en faire tant que ça. Et puis, la péloche, ça coûtait cher à l'époque. 1964, donc, c'est grâce à cette chanson que les Animals ont explosé. Et voilà, c'était juste un petit plaisir que je voulais nous faire, à nous tous, pour clôturer cet été. De cette petite émission était point MP3. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes les émissions qu'on a fait depuis septembre dernier sur radionoculture.wordpress.com. Vous pouvez même laisser des commentaires pour aller sur Facebook, pour aller sur Instagram. Enfin voilà, on est dans le futur quoi. Voilà, moi je vais vous laisser sur ça et je vous dis à bientôt pour la reprise. Voilà, on arrive en septembre, on va reprendre les émissions sur des, pas forcément des nouveaux formats, mais on va essayer de réarranger ça. On va voir sur des petites surprises, des choses comme ça. Moi je vous dis merci en tout cas de nous avoir suivis pendant tout cet été, c'était vraiment cool. Et voilà, je vous dis à bientôt, à très très bientôt, toujours sur Radio No Culture. Salut! We'll